Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulée « Violence policière ». Je fais allusion bien sûr à ce qui s'est passé avec différentes manifestations des Gilets jaunes et la répression sans pitié du pouvoir en place. Et j'ai trouvé des articles, en particulier dans Libération, que je vais citer. Depuis le début des manifestations, quelques 2500 gilets jaunes et passants ont été blessés. L'IGPN a été saisi de 313 enquêtes. Un an après la première journée de mobilisation nationale des gilets jaunes, le 17 novembre 2018, cette contestation sociale, née sur les ronds-points de France, se prépare un 53e acte, une longévité inédite, même si les rangs des chasubles fluorescentes se sont peu à peu dégarnis. Surtout, le mouvement restera particulièrement marqué par les très nombreuses blessures, souvent provoquées, pour les plus graves, par des armes de maintien de l'ordre, comme les lanceurs de balles, LBD, les grenades de désencerclement ou les grenades explosives, GLI-F4. Ainsi, 2448 personnes ont été blessées parmi les manifestants et des passants, bien entendu. 1797 du côté des forces de l'ordre, selon le dernier décompte du ministère de l'Intérieur, arrêtés à la mi-mai. Des crânes fracassés, des yeux éclatés, des artères coupées, des visages lacérés, des rates explosées. Ce sont des blessures qu'on ne voit que lors de graves accidents de voiture ou lorsque des gens se défenestrent. C'est ce que rappelle à Libération le neurochirurgien Laurent Tinet, extrêmement choqué en tant que médecin. Ce professeur à l'hôpital de Besançon, dans le Doubs, avait lancé en janvier une pétition qui a recueilli plus de 177 000 signatures dans laquelle il réclamait un moratoire sur les armes dites intermédiaires et dénonçait leur dangerosité. Le 1er décembre 2018 à Marseille, lors de l'acte 3 du mouvement, une femme de 80 ans, Sineb Redouane, avait reçu une grenade lacrymogène dans le visage alors qu'elle fermait ses volets. Elle était décédée le lendemain à l'hôpital. L'enquête a finalement été dépaysée au parquet de Lyon, tout comme celle concernant Geneviève Leguet, manifestante, 73 ans, blessée lors d'un rassemblement des Gilets jaunes à Nice le 23 mars. Sur les 313 enquêtes dont l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, a été saisie, la police des polices ne s'occupe que des cas les plus graves. Les deux tiers ont été transmises à la justice. Pas moins de 212 concernent Paris, où ont conflué les gilets jaunes, notamment aux abords des Champs-Élysées. Près de 70% d'entre elles ont été achevées et transmises au parquet. C'est ce qu'a précisé le procureur de la République de Paris début novembre. 72 affaires sont encore en cours d'analyse et 54 autres ont été classées sans suite, principalement pour infractions insuffisamment caractérisées, mais aussi pour absence d'identification des personnes mises en cause. C'est ce qu'a détaillé Rémi Hetz. Pour les faits les plus graves, 18 procédures impliquant des policiers ont été confiées à des juges d'instruction à l'image du dossier d'une des figures du mouvement, Jérôme Rodriguez, gravement touché à l'œil le 26 janvier. Alors, il y a deux poids, deux mesures, bien entendu, parce que quand on voit les peines qui ont été infligées par les tribunaux des manifestants, y compris des manifestants pacifiques, il y a de quoi rêver. À ce jour, seuls deux policiers ont été renvoyés en correctionnel pour des violences à Paris et plus de 3000 gilets jaunes ont été condamnés en novembre et juin selon les remontées des parquets vers la chancellerie. Un millier ont été coupés de prison ferme, 400 avec mandat de dépôt, a indiqué le ministère de la Justice à Libération. 1230 autres à du sursis et plus de 900 à d'autres peines, travaux d'intérêt général, jour amende, mais de nombreux dossiers doivent encore être jugés dans le cadre de comparution sur procès verbal en plaidé coupable ou en correctionnel. Au total, 10 852 gilets jaunes ont été placés en garde à vue. C'est quand même très considérable. Et je parlais, et on parlait récemment justement de cette répression d'État hein, vis-à-vis des manifestants, même pacifiques. Hein, c'était lors d'une émission, bien sûr, avec Nancy Rizacher, où était démontrée la violence de l'État, la répression de l'État vis-à-vis donc des opposants. Et puis, il faut, pour achever cette chronique, parler d'une augmentation des blessures graves jamais vues, un nombre élevé de traumas oculaires constatés depuis 2018 par Alain Gaudric, l'ouverture qui réclame, c'est un ophtalmologue, qui réclame l'ouverture d'un moratoire sur l'usage des LBD et des grenades de désencerclement. Alain Gaudric est professeur émérite et ancien chef de service ophtalmologique à l'hôpital parisien Lariboisière. Il a recensé aux côtés de ses collègues les graves blessures provoquées par les lanceurs de balles de défense et grenades de désencerclement. 3 cas en 2016 et en 2017 et 40 depuis le début de l'année 2018. Leur étude a été publiée le 2 novembre dans la prestigieuse revue scientifique britannique The Lancet. Quelle est la gravité des blessures constatées ? Interroge-t-on Gaudric. Il y a plusieurs niveaux de gravité dans les blessures étudiées, mais dans pratiquement tous les cas, la vision d'un œil est perdue. La pire blessure est l'éclatement du globe oculaire, qui peut même faire éclater l'orbite. Il n'y a pas d'autre choix que dénucléer l'œil. Il y a eu des contusions moins sévères, mais avec une perte de vision totale, et quelques cas avec des hémorragies sévères, des sidérations de la rétine, des luxations du cristallin. Dans ces derniers cas, demeure parfois une vision très amoindrie, de l'ordre de 1/20 à 2/10. À ces atteintes de l'œil s'ajoutent de multiples fractures des os. Et donc, les victimes sont souvent assez jeunes, toutes sans protection. Aucun débris de plastique n'a été découvert dans les yeux. Nous avons le sentiment que cette forte augmentation des blessures graves est essentiellement liée aux gilets jaunes. Elles sont parfois survenues après les manifestations des gilets jaunes. On pense que, par rapport aux années précédentes, plus de blessures se sont produites dans des affrontements en banlieue. Alors la question qui est posée à M. Gaudric, quel a été l'élément déclencheur de votre travail de recensement des blessures ? On s'est d'abord rendu compte de l'ampleur du phénomène en interrogeant les centres d'urgence à Paris et avec les retours des confrères de province. Du jamais vu. On a décidé d'écrire au chef de l'État en février pour l'alerter. À ce moment-là, on avait connaissance d'une 20aine de cas et on trouvait cela déjà extrêmement grave. On s'est bien assuré qu'il avait reçu cette lettre personnellement. Mais nous n'avons jamais eu de réponse officielle. Devant l'absence de réponse, nous avons décidé de rendre publique la lettre, puis nous avons demandé à rencontrer le ministre de la Santé. Elle n'a pas jugé utile de nous recevoir en personne, mais nous avons été accueillis au ministère. Son cabinet était sincèrement navré, mais nous disait que cela relevait plus de l'intérieur. Voilà quand même ce que l'on peut dire. Hein. J'ai lu quelques articles, j'ai fait état de quelques articles qui sont publiés, en particulier dans Libération, et donc on s'aperçoit quand même qu'il y a un désaveu, y compris international, par rapport aux violences policières en France à l'égard des gilets jaunes ou autres manifestants. Hein, je crois que là, d'ailleurs, les LBD, les grenades de désencerclement, sont condamnées. Leur utilisation est condamnée, bien sûr, au niveau international. Hein, je crois qu'on est véritablement dans un pouvoir politique néolibéral, mais autoritaire et répressif aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire que le libéralisme n'a que pour nom, n'a que pour référence le libéralisme économique. Pour le reste, nos libertés sont bien entendu sous surveillance et la répression est extrêmement forte en France aujourd'hui à l'égard de ceux qui manifestent. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.